te la fume, je te parle pas d'OCB. Je te parle gratter les textes lourds afin de sortir un gros CD. Je fais la diff depuis que je suis gauche, ouais ça c'est depuis le CP. Si je suis si fort, tu le prétends, qu'attends-tu? Remplis le chéquier. Hey, je suis plus en train de jouer, mais une pas touche de rap game. Et pour les filles, je ne bois ton temps, donc s'il te plaît, vas-y, rappelle. Posé dans la caisse, je parle à venir avec le ref Joe. J'ai fait le choix de ne plus taffer, ne me parle plus de ticket resto. Mon avenir, comment je le vois? Je t'avoue que je sais pas trop. Mais pour l'instant, j'aspire juste à être mon propre patron. J'entends par-ci par-là que le buzz monte. Non, je m'en fais pas. Mais j'ai crié des traits dans l'équipe, faudrait peut-être qu'on s'en sépare. Eh oh, c'est vrai que rapper pour moi, ça paraît si simple. Ils veulent clasher, l'écart sera large. Non, il n'y aura pas de 6-5. Je redescends en pression, c'était trop speed à l'air. La 16 mesure qui fait l'effet d'un crash au Twin Tower. Différents flows, différents styles, je suis un artiste. Je renie mon statut de rappeur, je vendique celui d'artiste. En clair, je suis un artiste. J'ai toujours rêvé d'être un artiste. J'ai fait de l'arrogance, le fond de commerce, appelle-moi Narcisse. Je renie mon statut de rappeur, je revendique celui d'artiste. En clair, je suis un artiste. J'ai toujours rêvé d'être un artiste. Deuxième couplet, on prend le même tueur et on recommence, j'appelle ça de la récidive. Je m'en veux un peu, je rappe tellement bien que mon talent nous divise. Rejoins les rangs, oh, sois pas con. Au lieu de faire comme tout le monde, un peu comme Rick Ross, à quoi bon? Oh, hell, moi c'est pas oh, mais hell, tu l'auras remarqué. Et au passage, m'ennuie devant tes clips comme devant Arte. Je me balade sur n'importe quel beat comme Bolt sur la piste. Je renie mon statut de rappeur, je revendique mon statut d'artiste. On est hip-hop depuis l'époque de Chris Cross. Je te vois tendu ce gros port de Rick Ross pour faire des clips propres, rap sur du beat. Box depuis l'époque de Key Koff, mon album se fait désirer comme Docteur Dre son detox. Hey, je reprends mon souffle parce que là c'est trop. Le public s'excite comme si je lui ai promis un lâcher de go. Rapper, c'est ce que je sais faire de mieux. Avoue que ta pièce est devant ton écran. Y'a ta femme qui se douche au bout de la pièce. Différents flows, différents styles, je suis un artiste. Je renie mon statut de rappeur, je vendique celui d'artiste. En clair, je suis un artiste. J'ai toujours rêvé d'être un artiste. J'ai fait de l'arrogance, mon fond de commerce, appelle-moi Narcisse. Je renie mon statut de rappeur, je revendique celui d'artiste. En clair, je suis un artiste. J'ai toujours rêvé d'être un artiste.